là j'avais le million. Et ta gadi me trouvait mignon. J'avais aussi changé d'horizon. Et mon gars va sortir de prison. Obsédé par le manque de monnaie. T'as fait des choses pas nettes, très vite t'as viré. Négro t'as changé. T'en as même perdu tes amis. J'en ai vu commettre des délits. La plupart de mes gars sont dans leur délit. C'est celui qui parle trop, t'en fais moins. T'as pris un coup, tu reviens de loin. Ouais, pour une meuf, tu les as gavés. T'as dépensé tes thunes fin quand t'en avais. Je te le dis, mon gros, t'as changé. Il te reste que tes darons, tes potes pour lâcher. Pense à toi, c'est filon. Je t'en passe, mon regard vilain. J'en vois, ton jeté du filon. C'est vrai, je suis après le million. Pense à toi, c'est filon. Je t'en passe, mon regard vilain. J'en vois, ton jeté du filon. C'est vrai, je suis après le million. Et je me suis réveillé, j'ai réalisé. C'était qu'un reste à part en fumée. Qui font pousser la peau, moi je préfère la fumée. La jalousie a pris dessus sur toi, ça va s'estomper. Négliger, besoin de personne, tu es sûr de moi. J'ai pas laissé tomber sans précaution, la veste, je compte que sur moi.